إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous entamons un nouveau cours, toujours tiré de l'ouvrage Al-Fiqh al-Muyassar, le fiqh simplifié, à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Al-Qada wa siyamu al-mustahab wa ma yukrahu wa yuhramu min al-siyam. Donc le chapitre concernant le rattrapage des jours non jeûnés, les jours de jeûne recommandés, les jours de jeûne déconseillés et interdits. قضاء الصيام إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. Si le musulman n'a pas jeûné un jour de Ramadan sans aucune excuse valable, il se devra de se repentir à Allah Azza wa Jal et de demander le pardon à Allah. لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير. Car c'est un grand mal qu'il a commis et un énorme péché. ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. Et après avoir fait le repentir, la demande de pardon, il lui incombe, c'est un devoir pour lui de rattraper le nombre de jours qu'il n'a pas jeûné après le mois de Ramadan. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم. Et concernant ce cas bien précis de cette personne qui n'a pas jeûné sans raison valable, pour lui de rattraper les jours non jeûnés, il doit le faire le plus tôt possible. Il n'a pas le droit de retarder cela sur l'avis le plus authentique parmi les opinions des savants. لأنه غير مرخص له في الفطر. Car lui, à la base, il n'avait pas le droit de manger durant le jour de Ramadan. Il l'a fait alors qu'il n'avait pas de raison valable. والأصل أن يؤديه في وقته. Et à la base, il devait jeûner en son temps, c'est-à-dire durant les jours de Ramadan. أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء غير أنه لا يجب على الفور. Mais s'il n'a pas jeûné à cause d'une raison valable, comme la femme qui est en état de menstrue ou en état de lochie, ou alors la personne est malade, ou alors en voyage, ou d'autres raisons reconnues et acceptées dans la religion qui permettent à la personne de ne pas jeûner, alors c'est un devoir pour lui de rattraper les jours de jeûne, mais il n'est pas obligé de s'empresser de les rattraper. C'est-à-dire qu'il a un laps de temps pour le rattraper. بل على التراخي إلى رمضان الآخر. Donc hein, il lui est laissé un répit jusqu'au prochain Ramadan. C'est-à-dire qu'il a au maximum une année pour rattraper les jours de jeûne. لكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة ولأنه أحوط للعبد فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض Mais le mieux à faire pour cette personne, et ce qui est préférable pour lui, c'est de s'empresser de rattraper les jours non jeûnés. Comme ça, il s'est acquitté de sa dette qu'il a envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui est plus simple pour lui à faire, parce que si jamais il retarde, il se peut qu'il soit touché par la maladie ou un problème qui va l'empêcher de jeûner. Donc tant qu'il peut jeûner, le mieux, ce n'est pas une obligation, mais le mieux c'est de le faire le plus tôt possible. فَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى رَمَضَانَ الثَّانِي وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِهِ كَانْ إِسْتَمَرَّ عُذْرُهُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ رَمَضَانَ الثَّانِي. Et s'il avait une excuse valable, une raison qui l'a empêché de rattraper les jours de jeûne jusqu'à que l'autre Ramadan, l'autre mois de Ramadan est entré, alors il le rattrapera ces jours-là après l'autre Ramadan. Après le jeûne de l'autre Ramadan, il pourra rattraper ces jours-là. Amma in akharahu ila Ramadan al-thani bighayri udhrin fa'alayhi ma'a al-qada'i it'am miskin 'an kulli yawm. Mais si il a tardé à rattraper jusqu'à que l'autre Ramadan est entré sans aucune excuse valable, rien ne l'empêchait de jeûner pendant l'année, alors en plus de rattraper les jours de jeûne, il devra pour chaque jour donner nourriture à un pauvre. Il devra en plus de rattraper le jour, parce qu'à cause d'avoir retardé jusqu'à l'autre Ramadan sans avoir jeûné, il devra nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. ولا يشترط في القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا. Ce n'est pas une condition lorsque tu as des jours à rattraper de les rattraper ensemble. C'est des jours consécutifs. Tu peux les rattraper un jour ici, un jour là, ce n'est pas un problème. Hein, tu peux les rattraper ensemble comme tu peux les séparer. Il n'y a pas de souci là-dessus. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Pour la parole d'Allah, élevé soit-il, dans le sens du verset, et celui qui est malade ou en voyage, alors il rattrapera d'autres jours, c'est-à-dire autant de jours que les jours qu'il n'a pas jeûné. Sur la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache numéro 2, le verset numéro 184. فلم يشترط سبحانه في هذه الأيام التتابع ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى. Et dans ce verset, Allah n'a pas mis comme condition que les jours rattrapés doivent être réunis. Et si ceci était une condition, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait cité et clarifié. الصيام المستحب, le jeûne qui est recommandé. من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض. Ceci fait partie de la sagesse, de la clémence et miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs et envers ses adorateurs, c'est qu'il leur a donné comme action des œuvres qui sont surrogatoires, qui ressemblent aux œuvres qui sont obligatoires. Le jeûne surrogatoire ressemble au jeûne de Ramadan. Les prières surrogatoires ressemblent aux prières obligatoires. Wa dhalika ziyadatan fil ajr والثواب للعاملين. Ceci pour augmenter la récompense et la rétribution pour ceux qui agissent ainsi, ceux qui appliquent cette action là. وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. Et aussi une des sagesses pour laquelle il y a ces actions surrogatoires, c'est pour compenser le manque et la négligence qu'il y a pu avoir dans les actions obligatoires. Tout ce qui viendrait à manquer dans l'action obligatoire vient être complété par ces œuvres surrogatoires. La prière surrogatoire, elle vient à compléter et à parfaire ce qui ne va pas dans ta prière obligatoire. Le jeûne surrogatoire vient à compléter et parfaire ce qui manque et ne va pas dans ton jeûne obligatoire. Et ceci, on l'a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la première chose sur laquelle la personne est jugée le jour du jugement dernier sur les œuvres, c'est sur sa prière. Si elle est bonne, toutes les œuvres qui suivent seront bonnes. Et ça n'est pas bon. Allah dira aux anges, regardez si mon serviteur a des œuvres surrogatoires. C'est pour venir parfaire et compléter ce qui manque dans l'œuvre obligatoire. Donc ça, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala et une miséricorde envers ses créatures. Faqad sabaqa ma'ana, donc ici dans l'ouvrage, il en a déjà parlé de ce sujet, anna al-fara'id tukammal min an-nawafil yawm al-qiyamah, que les actions obligatoires, les œuvres obligatoires sont parfaites et complétées par les œuvres surrogatoires, les œuvres commandées le jour du jugement dernier. Wal ayyam allati yustahabbu siyamuha hiya. Et les jours dont il est recommandé de jeûner sont siyamu sittati ayyam min shawwal, de jeûner 6 jours de Shawwal. Shawwal, c'est le nom d'un des mois arabes, d'un des mois musulmans connus, des 12 mois. C'est le 10e mois. C'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Le mois qui va venir après le jour de l'Eid, on est le premier jour de Shawwal. Après le premier jour de l'Eid et le Eid al-Fitr, il ne dure qu'une seule journée. À partir du deuxième jour jusqu'à la fin de Shawwal, il est légiféré de jeûner les 6 jours de Shawwal. Et les 6 jours de Shawwal, il est permis de les jeûner réunis et de les jeûner séparément. Il n'y a pas de problème. Tu as un mois pour pouvoir les jeûner. Les hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم. La preuve de cela, du bienfait de jeûner les 6 jours de Shawwal, il y a ce hadith rapporté par l'honorable compagnon Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. C'est comme s'il avait jeûné tout le temps. Pourquoi? Parce que le mois, on va dire en moyenne, c'est 30 jours. Et les 6 jours de Shawwal, ça fait 6. 30 plus 6, ça fait 36. Chaque œuvre, Allah la multiplie par 10. L'œuvre, elle est multipliée par 10. Par 10, ça fait 360. Ça fait tous les jours de l'année. C'est le nombre de jours de l'année lunaire. Hein? Donc, on a toute une année. C'est comme si la personne avait jeûné toute l'année. Et s'il fait ça tous les ans, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. C'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a jeûné Ramadan, il faut bien retenir. C'est-à-dire que si la personne lui manque des jours de Ramadan, il n'a pas jeûné tout Ramadan. Et c'est pour cela que certains savants font cette remarque qu'il faut que la personne, elle rattrape ses jours de Ramadan, puis après il jeûne les jours surrogatoires de Shawwal, durant le mois de Shawwal, pour pouvoir gagner cette récompense. Comme ça, il a vraiment complété le mois de Ramadan et il a en plus de cela les 6 jours de Shawwal. Siyamu Yawmi Arafah li ghayri al-hajj. Le jeûne du jour de Arafah pour celui qui n'est pas en pèlerinage. Car le jour de Arafah, il tombe le 9 du mois de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah est le 12e mois du calendrier musulman, du calendrier arabe, le 12e mois, c'est le dernier mois. Ce mois de Dhul-Hijjah, son 9e jour, c'est le jour de Arafah. C'est la veille de Eid al-Adha. La veille de Eid al-Adha. Et donc ce jour de Arafah, les pèlerins, eux, ils sont à Arafah, à Arafat. On dit Arafah et on dit aussi Arafat pour le lieu. Pour le lieu. Et le jour s'appelle le jour de Arafah. Donc c'est en plein milieu du pèlerinage. Et les gens qui ne sont pas en pèlerinage, il est recommandé pour eux de jeûner ce jour-là. Les hadithi, Abi Qatadata radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, siyamu yawmi Arafah. احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. الحديث رواه مسلم. D'après l'honorable compagnon Abu Qatadah radiyallahu anhu qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Arafah, j'espère en Allah qu'Allah va effacer, expier les péchés pour cette personne qui le jeûne 2 années. Une année passée et une année à venir. le hadith rapporté par Muslim. Amma al-hajj fa la yusannu lahu siyam yawm Arafah. Le pèlerin lui, il ne lui est pas recommandé de jeûner ce jour car lui il est dans d'autres adorations et il est occupé par d'autres adorations. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه. Car le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas jeûné ce jour de Arafah lorsqu'il était en pèlerinage et les gens l'ont vu de leurs propres yeux manger durant la journée de Arafah en pèlerinage. ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. Car en plus de le fait de ne pas jeûner pour le pèlerin, ceci le rendra encore plus fort pour accomplir les actes d'adoration et invoquer encore plus et abondamment Allah tabaraka wa ta'ala durant ce jour. Siyamu yawmi Ashura, le jeûne du jour de Ashura. Ashura, c'est le nom du dixième jour du mois de Muharram. Le mois de Muharram, al-Muharram, c'est le premier mois du calendrier musulman. Le premier mois du calendrier musulman, il est juste après le mois du Hajj, juste après le mois de Dhul-Hijjah. Le dixième jour de ce mois de Al-Muharram, c'est le jour de Ashura. فَقَدْ سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ صَوْمِ عَشُورَى فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ. الْحَدِيثُ أخرجه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le jeûne du jour de Ashura et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: j'espère en Allah que le jeûne de ce jour expie, efface les péchés d'une année, l'année qui est passée. Le hadith est rapporté par Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine durant l'émigration, il y avait des tribus juives qui habitaient à Médine et ils jeûnaient ce jour. Et ils ont dit qu'ils le jeûnent car c'est en ce jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam et son peuple de Pharaon et de ses troupes et de son armée lorsqu'ils ont été noyés dans la mer. Et ils jeûnent pour remercier et glorifier Allah tabaraka wa ta'ala et le louer de cette victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous, les musulmans, nous sommes encore plus en droit et bien plus proches de Moussa que vous. Et il a ordonné aux musulmans de le jeûner. Et à ce moment-là, le jeûne de Ashura était une obligation pour les musulmans. Et en l'an 2 de l'Hégire, Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire et comme pilier parmi les piliers de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. À ce moment-là, le jour de Ashura n'était plus obligatoire. Celui qui veut le jeûner, qu'il le jeûne. Celui qui ne veut pas, qu'il ne le jeûne pas. C'est resté un acte recommandé. وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ. Il est aussi recommandé de jeûner un jour avant le jour de Ashura ou un jour après le jour de Ashura, c'est-à-dire le neuvième jour de Al-Muharram ou le onzième jour de Al-Muharram en plus du jour de Ashura. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع. Pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, si je viens à vivre l'année prochaine, je rajouterai avec le jour de Ashura, je jeûnerai le neuvième jour. Le hadith rapporté par Muslim. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il est mort avant de l'atteindre عليه الصلاة والسلام. Mais il a dit si jamais il vient à vivre, il rajouterait ce jour-là, le neuvième jour, donc un jour avant le jour de Ashura. ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. Et pour la parole du prophète sallam, jeûnez un jour avant ou un jour après, différenciez-vous, faites le contraire des juifs. Le hadith rapporté par Ahmed et Ibn Khuzaymah في سنده ضعف. Il y a une faiblesse dans sa chaîne de narration. لكنه صح عن ابن عباس بنحوه موقوفا من قوله. Mais il est aussi rapporté authentiquement d'après la parole de Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما. صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine. Les hadiths d'Aïcha, radiyallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس. الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني. D'après Aïcha رضي الله عنها, que le prophète صلى الله عليه وسلم s'efforçait de jeûner le lundi et le jeudi. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi, il y a Tirmidhi qui l'a dit qu'il est bon et authentique et authentifié par l'Albani. ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه الألباني. Et aussi le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit عليه الصلاة والسلام les œuvres sont élevées vers Allah عز وجل le lundi et le jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah alors que je suis en état de jeûne. Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Daoud, rendu bon par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Siyamu thalathati ayyam min kulli shahr. De jeûner trois jours par mois. De jeûner trois jours par mois. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma sum min al-shahri ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. الحديث أخرجه البخاري. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما jeûne trois jours pendant le, de chaque mois trois jours car l'œuvre elle est multipliée par dix. Et ceci est semblable au jeûne de toute la vie. Hein, parce que 3 jours multiplié par 10, ça fait 30 jours. Et si tu fais cela tous les mois, c'est que tu as jeûné tous les mois. Et si tu fais ça tout le temps, c'est que tu as jeûné toute ta vie. Wa 'an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi thalath siyamu thalathati ayyamin kulli shahr wa rak'atay ad-duha وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث أخرجه البخاري. وسي الحديث دابو هريرة رضي الله عنه كي دي مون بيان إيمي مون أمي أنتيم صلى الله عليه وسلم يبال دو بروفيت عليه الصلاة والسلام ما ركوماندي 3 شوز دو جوني 3 جور بار موا et d'accomplir 2 ركعات دو الضحى c'est-à-dire la prière surgatoire qui se fait en matinée, en fin de matinée, qui est recommandé en fin de matinée, et de faire al-witr, la rak'a de l'witr avant de dormir. Le hadith rapporté par al-Bukhari. Wa yustahabbu an takuna al-ayyam al-bidh. Et il est recommandé que ces trois jours soient durant les jours de la pleine lune. Les jours de la pleine lune. Wa hiya al-thalithu ashar, wa al-rabi'u ashar, wa al-khamisu ashar. Et ce sont le 13, le 14 et le 15 de chaque mois musulman, de chaque mois lunaire. Et ce sont les trois jours de la pleine lune. Les hadiths d'Abi Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. الحديث رواه أحمد والنسائي واللفظ لأحمد وحسنه الألباني. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu, celui d'entre vous qui veut jeûner pendant le mois, qu'il jeûne alors les trois jours de la pleine lune. Le hadith rapporté par Ahmed et An-Nasa'i, et ici c'est la variante, la version de l'imam Ahmed, et il est rendu bon par l'Albani. Sawmu yawmin wa iftaru yawm. De jeûner un jour et de ne pas jeûner un jour. C'est-à-dire de jeûner un jour sur deux. لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le meilleur jeûne c'est le jeûne du prophète Daoud عليه السلام. Il jeûnait un jour et il ne jeûnait pas un jour. C'est-à-dire qu'il jeûnait un jour sur deux. والحديث رواه البخاري وهذا من أفضل أنواع التطوع. Ceci fait partie des meilleures actions surrogatoires. صيام شهر الله المحرم, de jeûner les jours du mois d'Allah al-Muharram, qui est le premier mois du calendrier musulman. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الحديث رواه مسلم. D'après Abu Huraira رضي الله عنه qui dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, le meilleur jeûne c'est le jeûne après le mois de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram, et la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière de la nuit, rapportée par Muslim. Siyamu tis'i dhil hijjah, de jeûner les 9 premiers jours de dhil hijjah. Alors vous connaissez qu'il y a une valeur des mérites et des vertus des 10 premiers jours de dhil hijjah, et que l'œuvre elle a beaucoup de récompenses accomplies durant ces jours. C'est pour cela qu'il est bien de jeûner. Dedans il y a le 9e jour qui est Arafah, on l'a déjà vu. Mais il est aussi bien de jeûner les jours d'avant, les 8 premiers jours. Le 10e, on ne peut pas le jeûner puisque c'est le jour de l'Eid. Donc le jour de l'Eid, on ne peut pas le jeûner. Donc les 9 premiers jours de Dhul-Hijjah. وَتَبْدَأُ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ ذِلْحِجَّةِ وَتَنْتَهِي بِالْيَوْمِ التَّاسِعِ. Et ces 9 jours commencent depuis le premier jour de Dhul-Hijjah et se terminent le 9e jour de Dhul-Hijjah. وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةِ. Et ce 9e jour, c'est le jour de Arafah. وَذَلِكَ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَ فِي فَضْلِ الْعَمَلِ فِيهَا. Et ceci entre dans la globalité de ce qui est contenu dans les hadiths du prophète sallam sur les mérites et les vertus des œuvres accomplies durant ces jours. فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أحب إلى الله من هذه العشر. أخرجه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des jours où l'œuvre elle est bien plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que les œuvres accomplies durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari. والصوم من العمل الصالح. Et le jeûne fait partie des bonnes œuvres. ما يكره ويحرم من الصيام. Les jours qui sont déconseillés et interdits à jeûner. يكره إفراد شهر رجب بالصيام. Il est déconseillé de réserver le jeûne pour le mois de Rajab. De concentrer le jeûne pour le mois de Rajab. لأن ذلك من شعائر الجاهلية. Car ça c'était une des actions connues de l'époque pré-islamique. Car ils donnaient une très grande importance à ce mois de Rajab, et donc ils ont arrivé à le jeûner. وَقَدْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ هَذَا الشَّهْرَ. Et ils magnifiaient ce mois, le mois de Rajab, qui est un mois sacré. Mais eux, ils faisaient ces actions en plus durant ce mois. فَلَوْ صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يُكْرَهُ. Si le jeûne, comme il jeûne durant les autres jours des autres mois, ce n'est pas déconseillé, car il n'a pas réservé cette action pour ce mois bien précis. لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصيام. Car là, il n'a pas fait concentration sur ce mois-là avec le jeûne. روى أحمد بن خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية عزاه الألباني لابن أبي شيبة وقال صحيح. أحمد بن خرشة ابن الحر dit, j'ai vu le prince des croyants, le calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, frapper les mains de ceux qui se concentraient de jeûner le mois de Rajab jusqu'à qu'ils mettent leurs mains dans le plat. Il les obligeait à manger pour quitter cette action, cette croyance, cette conviction qu'il faut concentrer le mois de Rajab se concentrer dans le mois de Rajab avec le jeûne. Et il leur disait, c'est un mois dont les gens de l'Jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, ils le jeûnaient et ils le magnifiaient. Yukrahu ifradu yawmil jumu'a bisiyam. Il est déconseillé de jeûner seulement le jour du vendredi, à lui seul. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la tasoumu yawmal jumu'a illa an tasoumu yawman qablahu ou yawman ba'dahu. Al hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jeûnez pas le jour du vendredi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. فَإِنْ صَامَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلْحَدِيثِ الْمَاضِي. S'il le jeûne le vendredi avec un autre jour, avec le jeudi ou avec le samedi, un jour avant ou un jour après, il n'y a pas de mal en cela, vu le hadith précédent. يُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِصِيَامِ. Il est déconseillé de concentrer le jeûne pour le samedi, seulement le samedi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي وصححه الألباني. Vu le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, ne jeûnez pas le jour du samedi sauf ce qui vous a été rendu obligatoire. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, rendu bon par Al-Tirmidhi, authentifié par Al-Hakim selon les conditions de Al-Bukhari. Et Al-Zahabi a été en accord avec Al-Hakim et authentifié par Al-Albani. Wal-Maqsoud, et ce qui est voulu du hadith du prophète sallam, Al-Nahyu an-Ifradihi, c'est l'interdiction de jeûner seulement le samedi. Seulement le jour du samedi. وَتَخْصِيصُهُ بِالصِّيَامِ. Et de concentrer et de le réserver pour le jeûne ce jour-là. أَمَّا إِذَا ضُمَّ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسِ. Mais s'il est réuni à un autre jour, le vendredi ou le dimanche, il n'y a pas de mal. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري أخرجه البخاري. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez la mère des croyants, son épouse Jouayriya radiallahu anha, et il l'a trouvée en train de jeûner ce jour-là, le jour du vendredi. Il lui a dit, as-tu jeûné hier? Elle a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu veux jeûner demain? Elle a dit non. Il lui a dit, alors rompe ton jeûne. Tu ne peux pas jeûner que le vendredi seul. C'est-à-dire qu'elle pouvait jeûner le samedi puisqu'il y aurait eu le vendredi avec lui. فَدَلَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تُرُيدِينَ أَنْ تَصُومِ غَدًا عَلَى جَوَازِ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ غَيْرِهِ. Et dans ce hadith, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à la mère des croyants Jouayriya radiallahu anha, veux-tu jeûner demain? Dans cette parole, il y a un argument comme quoi il est permis de jeûner le samedi lorsque le samedi est réuni avec un autre jour. قال الترمذي رحمه الله عقب إخراجه حديث النهي الماضي. Et l'imam الترمذي رحمه الله dit, après avoir rapporté le hadith précédent, ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. Donc l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, après avoir rapporté ce hadith, il dit en annotation, et le sens du côté détestable de cette action de jeûner samedi seul, c'est de réserver ou concentrer le jeûne que pour le samedi, car les juifs eux magnifient le samedi. تحريم صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان. L'interdiction de jeûner le jour du doute, le dernier jour de Sha'ban, le 30e jour de Sha'ban, hein, le lendemain, donc le dernier jour de Sha'ban, la personne, elle dit, je ne sais pas si c'est vraiment le jour de Sha'ban ou alors c'est le premier jour de Ramadan, il est dans le doute et il le jeûne. Il est interdit de jeûner le jour du doute. إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال فإن كانت السماء صحوا فلا شك. C'est lorsque le ciel, hein, il est gris, lorsqu'il y a des nuages, lorsqu'il y a un empêchement de pouvoir voir le nouveau croissant de lune. Donc là, on ne sait pas. Et dans ce doute-là, il nous est enseigné de compléter le mois de Sha'ban. Et donc c'est ce qu'on appelle la nuit du doute. Et le jour du doute, il est interdit de le jeûner. Mais si le ciel il est dégagé, il n'y a plus de doute. C'est soit on voit le croissant de lune, ou soit on ne le voit pas. ودليل تحريمه الى preuve de son interdiction حديث عمار رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وابو القاسم كنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه بصيغه جزم. ووصله الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني. هنا الحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما qui dit celui qui vient à jeûner le jour du doute aura désobéi à Abu al-Qasim. Et Abu al-Qasim est le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire que le prophète a interdit de jeûner ce jour-là. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari mu'allaqan. Sahih Al-Bukhari, donc c'est des hadiths avec des chaînes de narration. Et il y a quelques hadiths que l'imam Al-Bukhari ramène directement sans la chaîne de narration. C'est ce qu'on appelle le mu'allaqat. Il les cite sans la chaîne de narration. D'autres ulama, dans d'autres recueils, ils ramènent le même hadith mais avec les chaînes de narration. Et ici, l'imam Tirmidhi et d'autres rapporteurs, eux, l'ont rapporté avec la chaîne de narration. Et l'imam Tirmidhi a dit qu'il est bon et authentique. Et c'est authentifié par Al-Albani. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانْ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Car dans le hadith du prophète sallam, والحديث أخرجه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne devance pas le mois de Ramadan par un jour de jeûne ou deux jours, sauf un homme qui avait une habitude de jeûner. Un homme qui avait une habitude de jeûner. Lui, ce n'est pas de jeûner le jour du doute qu'il a recherché. C'est parce que c'est son habitude. Il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Ce jour-là tombe un lundi ou un jeudi. Vous comprenez? Donc il le jeûne parce que c'est son habitude à lui. Il a l'habitude de le faire. Ou alors c'est un homme qui jeûne un jour sur deux. Et ça tombe ce jour-là. Donc lui, ce n'est pas le jour du doute qu'il recherche, mais c'est plutôt cette habitude, cette belle, bonne habitude qu'il a de faire. Sinon, les autres personnes, eux, n'ont pas le droit. Car c'est sûr que c'est le jour du doute qu'ils veulent jeûner, soi-disant par précaution. Et là, il n'y a pas de précaution à avoir, puisque c'est interdit de le jeûner. والمعنى لا يتقدم شهر رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط. Et le sens du hadith qui ne devance pas le mois de Ramadan par un jeûne qui en vérité lui c'est un jour qu'il va jeûner qu'il le compte avec Ramadan soi-disant par précaution. Mais là la précaution n'est pas demandée. فإن صومه مرتبط بالرؤية. Car son jeûne est lié et relié à la vision lunaire. فلا حاجة للتكلف. Il n'a pas besoin de trop en faire là-dessus. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه. Celui qui avait une habitude de jeûne et que ça coïncide avec son habitude, il n'y a pas de mal pour cette personne-là. لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. Car lui, il ne cherchait pas à jeûner un jour de Ramadan. ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما. Et aussi, sort de cette interdiction, si une personne, à ce moment-là, il se rappelle qu'il a un jour à rattraper, un jour obligatoire, donc lui, il pourra jeûner parce qu'il doit le rattraper, ou quelqu'un qui a fait un vœu, qui a pris un engagement, et pour lui, ça devient une obligation, il devra le jeûner. يحرم صوم يومي العيدين. Il est interdit de jeûner les deux jours de l'Eid. Les hadiths d'Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. الحديث أخرجه البخاري. D'après Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne de Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, et Eid al-Nahr, c'est le jour de Nahr, la fête du sacrifice de la bête. Rapporté par al-Bukhari. Wa li hadith Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, قال, هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عمر رضي الله عنه a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit que ces deux jours, le prophète صلى الله عليه وسلم les a interdits de les jeûner, le jour de votre rupture du jeûne et le jour où vous sacrifiez la bête pour manger de la viande. اخرجه البخاري. يكره صوم ايام التشريق. Il est déconseillé de jeûner les jours de At-Tashriq. Ce sont les trois jours qui suivent le jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. C'est le 10 de Al-Muharram et les trois jours qui suivent qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, qui sont les trois derniers jours du Hajj. Le 11e, 12e et 13e jour de Dhul-Hijjah. Wa hiya thalathatu ayyam ba'da yawm an-nahr. C'est les trois jours après le jour du sacrifice. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأونزيام دوزيام إتخزيام جوع لقوله صلى الله عليه وسلم عنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أخرجه مسلم. Pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ce sont des jours, أيام التشريق, ce sont des jours dans lesquels on mange, on boit et on se rappelle d'Allah عز وجل. Rapporté par مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني. Et on a aussi le hadith du prophète sallam, le jour de Arafa, le jour du sacrifice, les trois jours, les jours de Tashriq, sont notre fête. Nous, les adeptes de l'islam, ce sont des jours dans lesquels on mange et on boit. Rapporté par Tirmidhi, et qui a dit qu'il est bon et authentique, et authentifié par Al-Albani. Wa rukhissa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin idha lam yajid thaman al-hadi. Et il y a dérogation qui est faite pour la personne qui est en état de pèlerinage, qui est dans le pèlerinage, qui a fait le pèlerinage selon le rite de Tamattu' et qui a fait le pèlerinage selon le rite de l'Qiran. C'est ce qu'on appelle Al-Mutamatti' wal-Qarin. Al-Mutamatti' c'est celui qui fait le pèlerinage avec deux états de sacralisation. Un état de sacralisation pour la Umrah, puis il se désacralise, et un état de sacralisation pour le Hajj. Al-Qarin, celui qui fait le Qiran, il fait le Hajj et la Umrah avec un seul état de sacralisation. Il vient avec un état de sacralisation, il fait la Umrah, il reste en état de sacralisation jusqu'à qu'il fasse le pèlerinage. Donc, Al-Mutamatti' wal-Qarin, il aurait demandé de sacrifier une bête qu'on appelle Al-Hadi, cette bête qui est sacrifiée pour le pèlerin. Amma Al-Mufrid, celui qui fait le rite qu'on appelle Al-Ifrad, qui ne fait pas de Umrah, qui ne fait que le Hajj tout seul, lui il n'a pas de Hadi, il n'a pas de bête à sacrifier. Mais en général, les gens, alhamdoulilah, ils font le meilleur. Car le meilleur rite, c'est de faire At-Tamattu'. Deux états de sacralisation. L'un pour la Umrah et l'autre pour le Hajj. Et celui-ci doit sacrifier le Hadi. Le Hadi qui se fait le même jour du Eid, mais ce n'est pas la bête sacrifiée pour le Eid. Le pèlerin, sa bête, elle, ça s'appelle Al-Hadi. Et celui qui n'est pas en état de pèlerinage, qui sacrifie, elle s'appelle Al-Udhiyya. Donc ces deux bêtes, qui ne sont pas, ce n'est pas la même. La raison du sacrifice n'est pas la même. Et c'est pour cela qu'il est demandé, recommandé, pour celui qui laisse sa famille et qui a les moyens il fait le pèlerinage, il doit sacrifier la bête de l'Hadi et il doit aussi laisser pour sa famille pour qu'il sacrifie Al-Udhiyya. Car ce ne sont pas les mêmes sacrifices. Donc celui qui n'a pas les moyens, Il a fait le pèlerinage selon le rite de Al-Qiran ou selon le rite de Al-Tamattu' et il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens de faire le sacrifice. Pour celui-là, il y a des dérogations qui est faite. Il pourra jeûner durant les jours de Al-Tashriq. Parce que pour le fait qu'il n'est pas sacrifié, il doit jeûner des jours. Et donc, il pourra jeûner déjà durant les jours de Al-Tashriq. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي الحديث أخرجه البخاري car il est rapporté d'après عائشة رضي الله عنها et عبد الله بن عمر رضي الله عنهما qui ont dit il n'a pas été fait de dérogation durant les jours de tashriq, de les jeûner, si ce n'est pour celui qui n'a pas trouvé, c'est-à-dire qui n'avait pas les moyens de sacrifier la bête de Al-Hadi, comme on a vu précédemment. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.